Activité 16. 1. Nouveau magasin de vêtements dans le centre-ville. Grande inauguration avec 25% de réduction jeudi de 10h à 18h. Allez-y. 2. Beaucoup de voitures sur les routes ce matin. Attention, prenez les transports en commun et laissez votre voiture chez vous. 3. Aujourd'hui, il y a des millions d'animaux domestiques en France. Ce sont surtout des chiens, des chats et des oiseaux. Et vous, quel animal avez-vous ?